ramené le verre sur les SMS, j'ai pas ramené. La traduction. Aslan, à la base, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est nous, c'est, ils sont en arabe, il faut l'appeler en arabe par ces noms. D'accord ? Et c'est pareil, plutôt qu'utiliser Dieu, parce que même au niveau de l'étymologie du terme, il y a des erreurs dans l'aqida. Ça vient de Zeus ou je ne sais plus quoi. Al-Muhim, il y a toute une étude qui a été faite sur l'étymologie du mot Dieu. Mais comme les gens sont habitués à dire que Dieu, c'est comme si c'était Allah pour nous, on va dire, tu peux l'utiliser, mbab tanazul. D'accord ? Mais le mieux dans tous les cas, c'est de dire quoi ? De dire Allah et d'utiliser les noms Rahman, Rahim, d'accord ? Qudus, etc. Donc le mieux, c'est d'utiliser cela. Mahmoud, t'es revenu ? Inch'Allah. Hein ? Même un non-musulman, ouais. Non, quand tu parles avec un non-musulman, tu dis moi ce que je dis quand je vais dire Dieu, moi je vais dire Allah. D'accord ? Tu dis moi je vais dire Allah. D'accord ? Comme ça, tu évites le truc. Si après tu vois que c'est que par ce biais-là qu'il va accepter la da'wah, dis Dieu. Parce que Dieu chez eux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le Dieu, celui qui mérite l'adoration. Normalement, c'est pas d'ishkel. Mais le mieux, c'est de l'appeler par son nom, Allah. Tu dis, ça te dérange pas si je l'appelle Allah ? Bon, allez. Tu vois ? Faut pas tout le temps se descendre sur leurs termes, se rabaisser à même utiliser leurs termes. Faut. Khalas, le cours sabr, vous avez compris, Inch'Allah. Par rapport justement à ce que le frère a dit, le chef Ethan a expliqué que dans le bab du'a, que le bab du'a, non, faut éviter. Oui, faut pas du tout le faire. Faut faire l'aziz, al-rahman, al-rahim, na'am. Oui, fait le bab du'a. Mais par exemple, quand tu parles à quelqu'un, tu dis le tout-puissant, le sage, même ça reste dans le bab al-ikhbar, comme on a vu. Hein, nous, on parle en français, c'est Mbeb l'Ikhbar. D'accord ? Parce que la traduction, même si c'est Jaiz, même si c'est permis, c'est toujours à titre informatif là-bas, la traduction, les frères. À chaque fois quand tu dis Allah dit dans le Coran, et ensuite, tu dois dire le verset d'abord en arabe, et lorsque tu écris, tu dis dans une traduction approximative. Parce que ça ne va jamais te ramener le vrai sens et le même sens en quoi ? En français. C'est approximatif, vous avez compris ? Et ce qui est du approximatif, forcément, c'est informatif. Et même c'est informatif, et pas surtout son sens, vous avez compris ? Parce que l'oral arabie, elle est trop puissante. L'oral arabie. Un terme, un article, tu peux comprendre. À travers un article, tu peux comprendre des fois la phrase de différentes manières. Subhanallah, juste avec l'article. Si l'article est utilisé comme ça, ça va être dit comme ça. Et s'il est utilisé dans un autre contexte, ça va être comme ça, etc. Al-Muhim, ça, c'est juste dans les articles. Alors, que dire des mots, que dire ensuite du siyaq, c'est-à-dire du contexte de la phrase, etc. D'accord ? Donc voilà, on dit toujours nous, vous verrez tout le temps écrit TA, traduction approximative, parce que c'est pas le vrai sens, c'est pas le vrai sens. Et celui qui veut vraiment comprendre le din, le wajib alayhi an yata'allam lughat al-arab. Il faut que la personne apprenne la langue arabe. Et c'est pour ça que l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, il est parti dans une qabila pendant 9 ans, ikhwan. Pendant 9 ans, il est resté dans une tribu qui parlait l'arabe, mais le pur arabe, et juste pour corriger son lisan. Et lorsqu'on lui a posé la question pourquoi il avait fait ça, il a dit c'est pour mieux comprendre le Coran et la langue de ce din. Et l'imam Shinqiti, rahimahullah, hein, Mohamed Al-Amin Shinqiti, lui-même aussi, il avait. Qu'est-ce qu'il avait fait déjà ? Il y avait des poèmes. des poèmes dans la langue arabe qui étaient des poèmes de Ghazl. Ghazl, c'est quoi? C'est comme appeler les femmes. Hein? C'est afin d'attirer les femmes. La drague de chez les Arabes. Voilà. Et il lisait ces poèmes-là. D'accord? Ils lui ont dit, toi, Shinkiti, tu lis ça? Il dit, Masakin, moi, je lis ça pour comprendre la langue des Arabes. Et non pas pour pour le contenu de cela. Non. C'est juste, il lisait les poèmes de l'Jahiliya dans le Ghazl. Simplement pour enrichir sa culture arabe. Vous avez compris? Et ça, il n'y a pas de mal à ce que toi, tu enrichisses ta culture, que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans l'arabia, que ce soit dans n'importe quel fun. Afin de quoi? Afin d'utiliser cette chose-là, cette arme-là, pour l'islam. Pour l'islam. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et donc, Shinkiti, lui, il faisait ça. Il lisait ça et ils ont dit, mais comment toi, tu peux lire ça? Et on dit, oui, je lis ça. Il dit oui, je lis ça. Et il apprenait deux beïts par jour. Deux beïts, deux vers de poésie par jour. Ils lui ont dit, tu peux apprendre plus. Il dit oui, je peux apprendre plus. Mais ces deux beïts-là, ceux-là, je vais les répéter plus. Donc je vais plus les garder. Donc il prenait un petit peu et il les répétait. Et certains ulama disent qu'ils connaissaient au moins 100 000 beïts. D'autres, ils ont dit 25 000. D'autres, ils ont dit 50 000. El-Mouhim. Ah, il prenait un beït par jour et voilà. Et il le répétait. Deux beïts par jour. Et il les répétait. Chinkrité. Chinkrité. Cheikh l'Albani, rahimallah ta'ala, quand il marchait fait Masjid al-Nabawi, il s'arrêtait. Il dit, je m'arrêtais que pour ces doros. Il dit, cet homme-là, c'est comme s'il avait une maktaba devant lui. C'est comme s'il avait les ilms devant lui. Et il prenait ce qu'il voulait. Et il nous l'apportait devant nous. Voilà, c'était qui Chinkrité. Et Chinkrité, rahimallah alayh, hein, mais l'ajaïb aussi qu'il avait, cet homme-là, c'est que lorsqu'il donnait un dars, il balançait tout. Les fawaïd en arabe, en usul al-fiqh, en ça. Il a d'ailleurs une très belle cassette dans Al-Asma wa Sifat. Il a une bonne muhadhara, le Cheikh Chinkiti, rahimahullah ta'ala. Et ils lui ont dit, mais pourquoi tu nous ramènes trop comme ça? Il dit, moi je vous ramène tout, et vous prenez ce que vous voulez, vous délaissez ce que vous voulez. Moi, je vous ramène tout. Quand je parle d'un sujet, j'aime bien tout parler. Voilà, je ramène tout. Et ensuite, c'est vous qui prenez ce que vous prenez. Parce que c'est vrai, si toi, ce n'est pas utile pour toi, peut-être ça va être utile pour qui? Pour un autre. Hein? Subhanallah. Hakadha l'ulama al-rasikhin. Shinqiti, rahmatullah alayhi. Adwa al-Bayan, c'est un livre que je vous conseille. Adwa al-Bayan, c'est son tafsir. Hein? Dedans, subhanallah, le cheikh a haqqaq beaucoup de messages. رحمة الله عليه رحمة واسعة. طيب القاعدة السابعة قال الإلحاد، الإلحاد في أسماء الله تعالى والميل هو الميل بها عما يجب فيها وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه أو مما دلت عليه الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل به عما يجب فيها. طيب الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه الصفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. طيب الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى كما رأينا من قبل كتسمية فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة، نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها، حمك الله. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، يعني بس في بلوزيغ تفسير سوغ سا، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، والإلحاد بجميع أنواعه محرم. الإلحاد donc ici on en a vu combien, 4 formes de ilhad, et c'est ça la règle que tu retiennes. الإلحاد بجميع أنواعه محرم، dans toutes ces catégories il est interdit. لأن الله تعالى هدد الملحدين، parce qu'Allah il a menacé les ملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. Comment? Oh, le nom il est là. J'ai oublié. Anis. Fadal Anis. Tu lis l'Ilhad en français. Tu lis tout le chapitre là. قاعدة السابعة أيها كمو الله مستعان. طيب même en français tu ne comprends pas hein. الإلحاد en gros moi je vous l'explique avec des mots pour un peu plus hein. Ça vient du mot lahd. Al-lahd. Ça vient du mot al-lahd. Al-lahd, vous savez, lorsque on va enterrer une personne, d'accord ? Quand on va enterrer une personne, un musulman, pas un kafir, parce que nous, on n'enterre pas, mais un kafir, on le jette dans un trou. Al-musulman, quand tu vas l'enterrer, donc, il y a les deux parois, on va dire, du trou. Et ensuite, à la fin, c'est comme ça. C'est le fond du trou. Et là, ici, on creuse un autre trou sur le côté. Et ensuite, on le met dedans. C'est comme ça qu'on fait. Et on le met en direction de la Qibla et la Qibla. Et ensuite, on met l'abina, les petites briques, en bout, si c'est possible. Et ensuite, on l'enterre. La fond, ça. Donc ça fait comme ça, et à la fin, comme ça. D'accord ? Ça. Al-ilhad, ça s'appelle comment ? Ça s'appelle le lahd. Al-mail. C'est le mail qui vient de pencher. Pencher, se détourner. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Ne pas être à la même place. Vous avez compris ? D'être juste à côté. Vous avez compris ? Ça vient du mail. Mail, c'est se pencher, aller vers. Vous avez compris ça, Inch'Allah ? Donc, c'est ce petit trou qui est juste à côté du... Et l'ilhad, pour vous savoir la ma'na, il y a le haq, dans les asma aussi fait, il y a le haq l'ilhad, c'est juste être à côté. Vous avez compris? Et il y a différentes formes de ilhad. Il dévie les textes, en fait. Hein, c'est de la déviation des textes. Alors, l'hétéro... Comment vous appelez ça? L'hétérodoxie. Ah, l'hétérodoxie, je ne vais pas le répéter, ça. Me faut. On va rester sur notre ma'na à nous, l'ilhad. Et on va le répéter à chaque fois, l'ilhad. C'est l'mail. L'mail, c'est le fait de quoi? De se pencher et d'aller, de prendre une autre direction. Qui est la bonne? Une autre direction de la bonne direction. Vous avez compris, sincèrement? C'est ça, l'mail, le fait de se pencher. Al-Fahim Tumada? Taïb. Il dit Al-Ilhad fi Asma Allah Ta'ala, huwa al-mail amma yajibu fiha wa huwa anwa'. D'accord? Al-mail amma yajibu fiha. Mal wajib fi l'asma? C'est quoi le wajib? Dans les noms les noms et les attributs d'Allah. Vous avez vu dans les règles? Sabiqa. C'est quoi le wajib? Hein? Les affirmer, qui sont tawqifiya, et quoi d'autre? Tout ce qu'on a vu auparavant. Hein? Que comme quoi on attaque les attributs qui sont avec, bil mutabaqa, ou bil iltizam, ou bil tadammun, d'accord? Tout ça. Non, eux, qu'est-ce qu'ils font? Yamiloun. Yamiloun, c'est-à-dire, ils se détournent de ça. Vous avez compris ça, Inch'Allah? C'est ça, al-ilhad. Ensuite, il dit al-awwal. Le premier nom de l'ilhad. Maintenant, l'ilhad. Quand tu dis d'une personne mulhid, ça peut vouloir dire mulhid, ça peut vouloir dire athée, quelqu'un qui se détourne complètement d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas, jusqu'à ces formes de quoi? De ilhad, là qu'on va voir, inshallah ta'ala. Mais le ilhad dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le ilhad dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est fait sous différentes formes et sous différentes catégories. Vous avez compris? Et c'est ce qu'on va voir, inshallah. Ici, 4, Inch'Allah. Taïf, tod. Donc, l'ilhad, concernant les noms dans la langue exaltée, consiste à les écarter des impératifs qu'ils renferment. Donc, l'ilhad est de plusieurs sortes. D'accord, des impératifs. Bon, ça, c'est le premier. Hey, ouais, de plusieurs sortes, tod. Donc, la une, le fait de nier une partie des noms pour ce qu'ils signifient comme attribut des jugements. Comme cela fut pratiqué par les partisans du dépouillement des noms de leur sens. Dépouillement, c'est un ta'til. Ta'til, la négation, on va dire. Hein. Mais ta'til, ça vient de ça. Ça vient du fait qu'ils dépouillent le sens de quoi? Du mot. Ils disent Rahim sans Rahma. Samir sans Sam'a. Basir sans Basar. Pourquoi? Parce que, à la fin, ça ne va pas avec leurs règles. Et à la fin, ils ont peur que de rentrer dans quoi? Dans le tashbih, comme on l'a vu. Tayyib, après? Jahmiya, allez, dis-le en arabe. Jahmiya, là. Jahmiya et d'autres. C'est là une forme de ilhad par le fait qu'il est obligatoire d'avoir foi en ces noms et en ce qu'ils signifient comme jugement et attribut propre à Allah. La négation d'une partie de tout cela est une manière de détourner ces noms des impératifs qu'ils contiennent. Taïf. Donc, on a la première partie qui est al-Jahmiya. Il y a al-Jahmiya. Al-Jahmiya, il se détourne du sens, d'accord? De quoi? Du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lorsqu'on dit Ahlul Ta'til, on parle en premier de qui? De l'Jahmiya. D'accord? Lorsqu'on dit Ahlul Ta'til, c'est qui? C'est Al-Jahmiya. Eux, ils ont un Ta'til Kulli. Vous verrez plus tard que le Ta'til se divise en Kulli et en Juz'i. Ils ont un Ta'til Kulli, ça veut dire que eux, il est absolu leur Ta'til. Le dépouillement. Des noms, eux, jamais ils vont dire, Mathalan, tu prends n'importe quel nom, jamais ils vont apporter le sens de ce nom-là. C'est pour ça qu'elle dit Jahmiya, c'est des kuffars. Parce qu'il renie le sens des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il le renie. Il dit, ça n'existe pas. Si tu dis ça, c'est comme si tu faisais ressembler à Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Directement. Vous fous? Hein? Il y en a encore, mais on va dire, il y en a encore. Il y a tout, hein, maintenant. Faut dire que c'est pire, même maintenant. Mais on va dire qu'il se revendique comme ça, Jahmiya. Non, on va dire que c'est plus les branches. Les branches, na'am, comme les Asha'ira. Et c'est justement la deuxième partie que je voulais parler. C'est le ta'til juz'i. Le ta'til juz'i partiel. Le dépouillement partiel des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est qui? C'est Al-Asha'ira. Al-Asha'ira, ça remplit, par contre. Ça, il y en a beaucoup, partout. Ah, t'en trouves presque partout, déjà, des Asha'ira. Et on va parler d'eux, Inch'Allah. Vous avez compris donc la première forme? Celle-là, c'est la pire. D'accord? Et pourquoi on dit que c'est un ilhad, et pourquoi on dit que c'est des mulhidin, le jahmiya, pourquoi? Parce que eux, ils ont carrément dépouillé le sens. Donc s'il y a bien ilhad, c'est bien le leur. D'accord? S'il y a bien ilhad, c'est bien le leur. Oui. La deuxième, le fait d'en faire des noms désignant des attributs similaires à ceux des créatures. Attends, répète. Le fait d'en faire des noms désignant des attributs similaires à ceux. Là, il y a marqué des créateurs. Non, ouais, oui, c'est créature. Sifat al-makhlouqin. Khata. Comme cela est pratiqué par les anthropomorphistes. Alors, Ahl al-Tajbih, c'est anthropomorphiste. Oh là là. Anthropomorphiste. Taïb, Tajbih, al-Tajbih. Ceux qui disent, ma main est comme celle. La main d'Allah est comme la mienne. Tajbih, yushabbih. Il fait ressembler. Tajbih, ça vient de shabbaha yushabbihu. Tashbihan. Tashbihan, c'est faire ressembler une chose à une autre. D'accord? Ahlou, at-tashbih. Voyez? Il en est ainsi parce que la comparaison est une fausse signification. Il est impossible que les textes signifient l'anthropomorphisme. Au contraire, les textes signifient la caducité de ce phénomène. Faire en sorte que le nom d'Allah, l'exalté, signifie l'anthropomorphisme est une forme de détournement des noms et des impératifs qu'il rencontre. Taïb. Donc, le tashbih, est-ce que nous, lorsqu'on a un texte qui vient du Coran et de la Sunna, et qui nous donne un nom ou une sifat d'Allah, est-ce qu'on comprend forcément le tashbih? Est-ce qu'on on dit directement ce qui vient dans notre esprit, c'est directement le tashbih? Non. D'accord? Non. Pourquoi? C'est quoi qui va faire en sorte? Quel est le dalil qui va nous écarter de cela? Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir, صح ولا لا? Eux non, al-bid'ah, ils n'ont pas dit à ce moment-là al-bid'ah. Ils ont d'abord imaginé quelque chose. Ils ont imaginé un dieu d'une certaine manière. Ils ont dit oui, mais si tu dis ça, c'est qu'il a ça. Vous avez compris? Si tu dis ça, c'est que ça veut dire qu'il est comme ça, ça veut dire qu'il est aussi comme ça, et ça veut dire qu'il a un endroit, ça veut dire Al-Muhim, ils se sont imaginés. Et ensuite, pour sortir de cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là qu'ils ont ramené le verset que nous on ramène. Laïsa kamithlihi. Vous avez compris? Ça veut dire que toi, en fait, tu as eu tout de suite le teslim avec quoi? Hein? Avec le texte. Allah ar-Rahman ala al-Arsh istawa. D'accord? Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Toi, tout de suite, Laïsa kamithlihi shay. Tu ne vas pas t'imaginer quelque chose. Laïsa kamithlihi shay. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Laïsa kamithlihi shay, ça veut dire quoi? Ça veut dire istiwa'u yaliqu bihi. Il s'est établi ou il s'est élevé sur son trône, hein, mais d'une manière qui est propre à lui. Pourquoi? Parce que j'ai ramené l'autre verset qui dit rien ne le ressent. Eux, non! Et il y a eu une petite altercation, il y a eu un petit mail, justement. Hein. Eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ah! Ils ont dit, si on dit ça, et qu'Allah nous a parlé avec ce qu'on raisonne, forcément, on est obligé, nous deux, d'exalter Allah subhanahu wa ta'ala de cela, de purifier Allah de la ressemblance des créatures. Alors, nous, on dit laïsa kamithlihi, al-bida', on dit laïsa kamithlihi, mais pas dans le même contexte. Ils le disent pour refuter quoi? Hein? Et pour rejeter quoi? Rejeter les noms et les attributs et ce qui incombe les noms et les attributs. Vous avez compris ça, Inch'Allah? C'est pour ça que quand tu vas chez les Ahbash, ils écrivent en gros laïsa kamithlihi. Tu dis, mais pourquoi ils disent laïsa kamithlihi? Ben justement, ils le comprennent d'une manière que toi tu ne comprends pas. Vous avez compris ça? Tu vois, en gros, c'est écrit laïsa kamithlihi. Vous avez compris? Mais eux, ils l'ont mal compris. Ils l'ont mal compris. Eux, pour eux, c'est la négation, comme on avait vu au départ, au début du cours. Hein, la négation. En détail, Allah n'est pas comme ça, Allah n'est pas comme ça, Allah n'est pas comme ça, Allah n'est pas comme ça, il n'est pas au-dessus, il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas, etc., etc. D'accord? Il faut une négation détaillée alors qu'on a dit que la négation, elle est comment? Elle est générale, elle est globale, elle n'est pas détaillée comme ils le font eux. Et nous, elle est globale de par rapport à quoi? De par rapport au texte qui est dans le Coran. Laïsa kamithlihi, rien ne le ressemble. Par contre, justement, le fait d'attribuer des noms à Allah, subhanahu wa ta'ala, et le wasaf, c'est-à-dire le qualifier par ses noms et ses attributs, ça par contre c'est détaillé. Wallah, alladhi la ilaha illahu, al-malik, القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ها صح سي ديتاي سي با ديتاي خلاص نو سا il le détaille mais dans les négations vous avez compris ils ont oublié les textes ils se sont détournés des textes vous avez compris واجب donc ça c'est une forme d'ilhad de faire quoi de faire ce qu'on appelle du tashbih d'accord du tashbih avec les makhlouqin et le tashbih avec les makhlouqin dire Allah descend comme cela c'est comme c'est comme l'histoire avec qui l'histoire qu'ils ont accusé Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala d'anthropomorphiste c'est ça anthropomorphiste afwan excusez-moi des R que j'ai rajouté anthropomorphiste Amouhim de Bouchabbé qu'est-ce qu'ils ont dit ces shayatines sur Ibn Taymiyyah et d'ailleurs c'est quelqu'un qui est connu qui a dit ça c'est Ibn Battuta Ibn Battuta vous connaissez Ibn Battuta hein, c'est lui qu'ils ont fait un film ils ont fait un film sur lui il a un livre etc que la fameuse Rihla de notre Ibn Battuta hein, al-Maghribi hein, il a fait un voyage il est parti son histoire elle est longue طيب. Le ulama il prend quand même son livre pour stafid, c'est-à-dire pour profiter de ces comment dirais-je de cette Rihla là et de voir si il peut y avoir un apport culturel à ce niveau-là. Mais c'est juste un apport culturel pour dire, et si ce n'est pas un menteur, cet homme-là, hein, Ibn Battuta, et moi je le dis pourquoi. Parce que Ibn Battuta, qu'est-ce qu'il raconte dans son livre? Il raconte qu'il est arrivé à Damasque, à Damas, et il a dit qu'il a vu Cheikh al-Islam. Ibn Taymiyyah descend de son minbar. Il était sur le minbar. Et qu'il est descendu, et qu'il a dit, Allah descend comme cela. Allah, il descend comme je suis descendu là. Vous avez compris? Al-Tashbih, eux, leur problème c'est quoi? Ça c'est une parenthèse. Al-Tashbih, ils ont tellement fait ithbat, vous avez compris? Ils ont tellement fait de ithbat, d'affirmation, qu'ils ont dit, voilà, oui, Allah fait comme ça, de cette manière-là. Vous avez compris, Inch'Allah? C'est ça, Al-Tashbih, vous avez compris? Oui, Allah, il a la main que, comme ma main, A'udhu Billah. Ils disent, que sa main elle ressemble à ma main, et qu'est-ce qu'il y a? En gros, c'est des gens qui ont fait du rôle. Vous avez compris? Ça, c'est le tashbih. Ils ont dit qu'Ibn Taymiyyah c'était un mushabbi et qu'il était descendu de son minbar et juste pour leur montrer, pour affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala descendait de son trône, hein, Taïb, il dit Allah est descendu du trône ou alors il s'est élevé de cette manière-là. Je ne sais plus si c'est, il est descendu ou il est. Ou il est oui, c'est, de toute façon, c'est un kadib ce qu'il a dit Ibn Battuta. Alors, les ulama, ils sont étonnés. Ils ont dit, comment Ibn Battuta peut nous rapporter une histoire comme ça? Ça y est, il n'est plus crédible, cet homme-là. C'est un menteur. Ibn Battuta qui avait du ash'arisme. Bon, l'oublier, ça. C'était contraire à sa croyance, puisque c'était un ash'ari. Il était influencé par l'ash'ari. Alors, il a raconté cette histoire. Il y a certains savants qui ont été catégoriques sur son cas. Ils ont dit kadhab. Même sa rihla, on n'en veut pas. Hein? Même son livre, la rihla ibn Battuta, on l'est. Et regardez le kuffar. Rihla ibn Battuta, ibn Battuta, ils l'ont azzam, ils l'ont élevé à un niveau pour dire ibn Battuta, c'est Cheikh l'islam lui. Hein? Mais il a menti sur Cheikh l'islam. Vous avez compris? Il a menti sur Cheikh l'islam. Vous allez me dire, mais comment on peut dire aussi qu'il a menti? Il ne ferait pas quelque chose d'aussi grand. Si, regardez. Pourquoi? Plein de dalils montrent, plusieurs dalils montrent que ce qu'a dit Ibn Battuta est complètement faux. Le premier, c'est que ce n'était pas un khatib. Ibn Taymiyyah n'était pas un khatib jumu'ah. C'était un mu'allim. Il restait dans une mosquée où il kan yu'allim an-nas. Donc, il n'était pas quoi? Il n'était pas khatib. D'ailleurs, ils lui ont pas laissé ce statut-là. Sinon, khalas. Le Moubtadi'a de son époque, ils n'ont pas donné cette place-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est qu'à cette époque-là même, lorsqu'on analyse sa tarjama, sa biographie, à ce moment-là, soit il est mort, ou soit il est en prison, Ibn Taymiyyah. Donc, il l'a vu où, Ibn Battuta? Vous avez compris? Il l'a vu, il a vu un autre homme, peut-être qui a dit que c'était Cheikh Ibn Taymiyyah, mais ce n'est pas lui. Ça, c'est si on a l'ihsan dhann, ça, c'est si On pense bien d'Ibn Battuta, on a dit, ouais, il y en a peut-être un qui s'est pris pour Ibn Taymiyyah, où il a mal compris une khutba de Jumu'ah. D'accord? Mais ça, c'est si on pense bien. Amma de venir, de nous dire qu'Ibn Taymiyyah a fait ça. Et maintenant, ça, c'est clair que c'est faux. Et maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'il y a d'autres indices? Je vous rajoute un autre indice. Ses livres. Ses livres. Il a combattu, Ibn Taymiyyah, contre Al-Ta'ti, Al-Tashbih, pour les faire revenir vers quoi? Vers le fahm des salafs, vers la compréhension des salafs salih, et pour qu'ils comprennent les paroles d'Allah et les paroles du prophète, surtout dans le bab d'Asma wa Sifat, hein, comme l'ont compris les sahaba, wa man tabi'ahum bi ihsan. Vous avez compris? Il s'est battu toute sa vie, et il a des écrits sur ça, et un jour il va venir, il va être sur un minbar, et il va faire ce qu'il a dit, Ibn Battuta. C'est logique ça. C'est comme si vous entendez, hein, aujourd'hui vous dites, il parle tous les jours, j'ai l'âme des chi'a. Inch'Allah, j'ai l'âme, fait qu'albi, de toute façon, ils sont mal'ounines, ces gens-là. Mais foum, j'ai l'âme des chi'a, les chi'a, les chi'a. Et j'écris, et j'ai même un mawqa, un site internet, et je parle contre eux, etc. Et un jour, je viens, je dis, non, Khomeini, c'était quelqu'un de bien, c'était truc, etc. Vous allez croire ça, hein? Vous allez croire, même si c'est un imam qui le dit, vous allez le croire ça. C'est en contradiction, vous avez compris ça, Inch'Allah. Ça, c'est en contradiction avec ma vie, avec ce que, en quoi j'appelle. Vous avez compris ça, Inch'Allah. Donc, c'est comme ça que toi aussi, tu dois juger, ayyuha al-muslim. D'accord? C'est comme ça que tu dois juger. Tu dois regarder l'ensemble et la globalité de la personne, en quoi il appelle, pour pouvoir dire, oui, il est possible qu'il ait dit, ou il est impossible qu'il ait dit. Vous avez compris ça, Inch'Allah. Et non pas, khalas, la première kidba, le premier mensonge, on le colle, et il meurt Khalidina Fihaba avec ce mensonge-là. Allahu musta'an. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc Ibn Battuta, hein, il a dit une chose, comme quoi, Cheikh l'Islam, c'est un mouchabbé. Et Ahl-Tashbih, bien sûr, ils sont fait dalal. Et Ibn Taymiyyah a combattu Ahl-Tashbih, justement. Et il est impossible qu'on attribue ce mensonge. Et c'est écrit dans son livre, dans la Rihla d'Ibn Battuta. Il raconte cette histoire. Comme quoi, il a vu. Cheikh al-Jami, rahimahullah ta'ala, disait ça, c'est un mensonge. Il a kazzab, kaza, kaza. Et puis après, il a ramené. Ça, c'est une petite faïda qu'on a voulu vous ramener, inshallah ta'ala, sur ça. Est-ce que vous avez compris al-tashbih? Donc, il y a le ta'til, kulli, hada. Bien sûr que c'est du ilhad. Et s'il y a un ilhad, c'est bien celui-là. Ensuite, vous avez quoi? Le tashbih. C'est une forme d'ilhad. De toute façon, pour vous expliquer c'est quoi l'ilhad, et en gros et en général, toute forme de déviation à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau des textes qui parlent des noms et des attributs d'Allah, toute forme de déviation, c'est une forme d'ilhad. Vous avez compris? Toute forme de déviation, c'est une forme de quoi? C'est une forme d'ilhad. Comme ça, tu retiens. Mafou? Taïd. Vas-y, cite encore les autres. Troisième, le fait de désigner Allah, l'exalter par des noms qui ne s'est pas attribué, tel qu'il a été nommé par les chrétiens du monde, le Père, ou par les philosophes avec le nom, la cause efficiente. La cause efficiente. Regardez comment ils l'ont appelé, le falasifa. Ils ont appelé Allah la cause efficiente. Al-illa al-fa'ila. Ça, c'est les falasifa qui croyaient en Dieu. Et encore. Hein? C'est ceux qui croyaient en Dieu et qui disent qu'il est obligatoire. En fait, c'est par, on va dire, procédé d'élimination qu'ils ont dit c'est obligé qu'il y ait une existence qui nous ait fait exister. D'accord? Et c'est l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais Al-Nasara, comment ils l'ont appelé? Al-Ab. Et aujourd'hui, on entend la sainte, comme ils disent, la mère nature. C'est passé de l'Ab à quoi? À mère nature. Ça, c'est une forme d'ilhad aussi. Vous avez compris? Et ils viennent, et ils parlent, et chaque fois, ils donnent un nom à l'origine de ce monde-là. Celui qui a créé ce monde, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne un nom. Al-Ab. Al-Kadha, Al-Kadha, Allah musta'an. D'accord? Tout ça, c'est des formes d'ilhad. Vas-y, continue. Il en est ainsi parce que les noms d'Allah exaltés sont d'institutions divines, tawqifiyah. Tawqifiyah, ça on l'a vu hein, au départ. C'est, on ne donne un nom, on attribue un nom d'Allah que par les textes, que par le Coran, par le Sunna. Le fait de nommer Allah, l'exalter par des noms qu'il ne s'est pas attribué, est une forme de détournement des noms des impératifs qu'il renferme. De même que ces noms avec lesquels il nomme Allah, sont eux-mêmes nuls. Allah les a fait son exemple. Voyez. Continue. Quatrième. Allez, Wadah. Celui-là, vous l'avez compris. Donc, donner un autre nom à. Ou se. Donner un autre nom à Allah, ça aussi, c'est une forme de. D'ilhad. Le fait de faire dériver à partir des noms d'Allah des noms pour des idoles, comme cela peut être pratiqué par les associationnistes, pourrais-je. Associationnistes. Associationnistes. Associationniste. Je connais ces associateurs, je connais. Moi, je dirais qu'Allah a fait Mouchirik. Hein, Mouchirikoun. Oui. Lorsque ceux-ci vont faire dériver le nom Al-Uzza du nom Al-Aziz. Taïb Al-Uzza, alors ils ont. Ils connaissaient. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient quand même à la dîme. Ça veut dire. Il faut savoir que Quraysh, la tribu du prophète, alayhi salatu wassalam, ils étaient. C'est-à-dire avant la venue du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait un dîn qui restait, c'était le dîn de qui? D'Ibrahim, alayhi salam. Donc, Ibrahim, alayhi salam, lui aussi, il a appelé au tawhid, sahla. Il y avait les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Aziz, Al-Rahman, Al-Rahim. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré de Al-Aziz, le nom d'Allah, Al-Aziz, et ils l'ont appelé comment? Hein, ils ont tiré de ce mot-là et ils ont fait une divinité qu'ils l'ont appelée comment? Al-Uzza. Afara'aytum al-Lat wal-Uzza wa manat al-thalithata al-ukhra alakum al-dhakar wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza. Ça c'est dans surat Al-Najm. Donc Al-Uzza c'était une divinité qu'adoraient les Arabes, mais ce mot Al-Uzza ils l'ont tiré de quoi? Ils l'ont tiré de Al-Aziz. Et ils juraient par Al-Lat et ils juraient aussi par Al-Uzza, les Arabes. D'accord? Ils juraient par Lat et ils juraient par Al-Uzza. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, vous connaissez l'histoire un petit peu avec la bataille qu'il y a eu. Et ensuite, ils ont dit Lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Nous, on a l'Uzza. Les mouchriquins, ils ont dit Nous, on a l'Uzza. Mais vous, vous n'avez pas l'Uzza. Et ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, Ama tujiboun, vous ne le répondez pas. Et ensuite, il y en a eu un. Alors qu'au départ, ils étaient juste en train d'insulter. Au départ, le mouchriquine, ils étaient en train d'insulter. Ils disaient, est-ce qu'il y a Abu Bakr et est-ce qu'il y a Omar chez vous? Et ils disaient des gros mots, etc. D'accord? Et ensuite, ils ont dit, et nous, on a l'Uzza avec nous. Et là, tout de suite, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, regardez, les a rabbi ala mada, rabbahum ala tawhid. Il les a éduqués sur le tawhid. Ils ont dit, ah, ils disent qu'ils ont l'Uzza. Répondez. Ils ont dit Allahu Maulana, wala Maulanakum. Hein? Allahu Maulana, c'est lui notre maître, et vous, vous n'avez pas de maître. Subhanallah. Il a réagi, le prophète, que lorsqu'il y a eu quoi? L'intérêt de réagir, vraiment la chose la plus importante, qui était quoi? Qui est Tawhid. Vous avez compris? Dès qu'ils ont parlé de Shirk, ah, vous parlez de. Qu'il y a une autre divinité à part Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Ama Tujiboun a dit, est-ce qu'il n'y a personne d'entre vous qui répond? Il s'est étonné, le prophète, alayhi salatu wassalam. Vous avez compris? Donc ça prouve quoi? Ça prouve que le musulman, lorsqu'on parle de son dîn, lorsqu'on parle de son dîn, de son Rab, de son Seigneur, hein, directement il doit être là, il doit répondre. Il ne se tait pas tout le temps, le musulman. Non, ça c'est faux. Même, il se passe ce qui se passe, subhanallah. Il doit se passer ce qui doit se passer. Ma'alish, tu dois parler de ton Dieu, tu dois défendre ton ilah, hein, qui est Rabb, subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris? Tout de suite, Ama tujiboun, ils ont dit, Allahumma ulana. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on dit, ya Rasulallah? Ils ont dit ça. Sahaba, ils ont dit, qu'est-ce qu'on dit, ya Rasulallah? Ils ont dit, dites, Allahumma ulana, wa la maulanakum. Hein? Dites, Allah est notre maître, et quoi? Et vous n'avez pas de maître. Vous n'avez pas de Dieu, subhanallah al-Azim. Akada tawhid, ya khi. Al-Uzza, donc il vient de Al-Aziz. Et l'Ad qui vient de quoi? De Al-Ilah, le Dieu. Taïb, Al-Lat. Al-Lat, na'am. Alakum al-Dhakaru wa lahu al-Untha. Na'am. Continue. Selon les deux dires, ils enlèvent leurs idoles. Cela dit, les noms d'Allah. Et il y a un hadith, Afwan, il y a un hadith aussi sur Al-Lat ou Al-Uzza, que comme quoi ils vont se faire réadorer avant quoi? Avant la fin des temps. Subhanallah. لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. اللات والعزى يفسر. Regardez, imaginez-vous, le shirk qui revient. Il y a 200 ans à peu près, qu'a eu la da'wa de Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi, ou un peu plus, on va dire. Naam. Et que cette da'wa, l'alhamd, elle a fait revenir des gens vers le vrai din du prophète, alayhi salatu wassalam, de tawhid. Aujourd'hui, khalas, il commence à voir une autre forme de shirk, déjà même en Arabie, hein, une autre forme de shirk qui est le libéralisme. Vous connaissez le libéralisme ? Libéralisme, les démocrates, les gens qui aiment bien, hein, l'Occident, etc. Ils veulent rentrer quoi ? Ils veulent rentrer les qawanin, wada'iyya, etc. Où ça rend ? En Arabie. La liberté de la femme, etc. Ils commencent par ces choses-là. Ils essaient de rentrer le shirk, parce que ça aussi, c'est du shirk dans quoi ? Hein ? Dans le hakim, dans le teshiri'. Vous avez compris ? Dans le teshiri', dans la forme de légiférer, vous avez compris ? Ils essayent de rentrer ça. Et il y a même eu un mashrou' que les ulama, ils ont mis en garde à la Mecque. C'est le mashrou' de Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi. C'est un musée qu'ils ont fait. Et ils l'ont appelé Assalamu alayka ayyuhan nabi. Les ulama, ils ont dit, déjà, le nom de ce musée-là, c'est pas bon pour les awam. Parce qu'ils vont penser, hein, qu'on a le droit directement de saluer le prophète ou de parler directement avec le prophète. Déjà, ça, c'est un problème. Et elle dit, et la deuxième des choses, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans ? Ils ont dit, on va ramener les ustensiles, et on va ramener des choses qu'on a trouvées, etc., lors de nos fouilles et lors de nos travaux, etc. Et on va dire que ça, c'était au temps du prophète. Ça, c'était le moud qui avait au temps du prophète, ça, c'était le sa' qui avait au temps du prophète, etc., etc. Ils vont venir avec des choses comme ça. Et les ulama, les kibar al-ulama, parmi le Cheikh Fouzan, Cheikh Barak et d'autres ulama, le Cheikh Rajahi, ont fait un bayan sur ça et ils ont dit c'est interdit de faire quoi ? De faire revivre, entre guillemets, ou de remontrer les vestiges de quoi ? Du temps du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi ? Parce que les gens, ils vont chercher à faire quoi ? Tabarruk ! Hein ? Ils vont aller chercher la baraka dedans. Et regardez, ça c'est quoi ? Ça c'est une fille. Ah, c'est un groupe. Hein, na'am, salam alaykoum. Yes. Na'am. Donc le mashrou' de hadha salam alayka ayyuha nabi, et ils en ont fait un bureau, ils en ont fait un truc, etc., pour faire revivre les vestiges, etc. Et les ulama, ils ont vu tout de suite le mal que ça pouvait apporter, cette chose-là. Hein, le mal que ça pouvait apporter, cette chose-là, qui est quoi ? Qui est de se réattacher, hein, à ce Torah, mais d'une manière quoi ? D'une manière des polythéistes. Ça commence comme ça et puis à la fin, vous avez compris, Inch'Allah. Et ça, en réalité, ça, c'est des gens qui, on va dire, c'est des vestiges de la Dawla Uthmaniya, c'est-à-dire de l'Empire Ottoman, qui n'ont pas avalé ce que leur a fait la Dawla des Saouds en les sortant, c'est-à-dire les mouchriquins. Vous avez compris, Inch'Allah. Et ça, ils ne l'ont pas avalé jusqu'à maintenant. Alors, ils reviennent, ah tiens, on va faire un petit mashrou' au nom de l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam, etc., etc. Et ils veulent faire quoi également ? Ils veulent lire des poèmes, à ce moment-là, des poèmes sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais ça, les poèmes, ils vont commencer à exagérer, ça, là, là. Et après, ça, c'est une porte vers quoi ? Vers le shirk, c'est pareil, vous avez compris ? Non, mais nous, c'est juste parce qu'on l'aime, c'est juste parce que... Ils commencent comme ça, et à la fin, qu'est-ce qu'ils font ? Ils finissent. Allah, c'est ça. Vous avez compris, Inch'Allah ? Moi, j'ai été étonné lorsqu'on m'a dit « Khalas, le mashrou', ils l'ont fait. Assalamu alaikum. » Khalas. Les amis, tout de suite, ils vont penser quoi ? Ah, tiens, c'est comme s'ils disent « Je vais aller voir, limite, le prophète. » Allez, salat wa salam. « Ah, je vais aller voir ses vestiges. Ah, je vais toucher, je vais chercher la baraka. Peut-être que je vais trouver. » Moi, une fois, ici, devant moi, hein, c'était au salon de... Vous savez le truc des Arabes, là ? Comment il s'appelle ? L'Institut du monde arabe. Hein ? Oui, bon. L'Institut du monde arabe, taïe. Il y en a un devant moi, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, ah, ça c'est le sable de la Mecque. Il a pris un mouchoir, il a mis du sable dedans, il l'a fermé, il l'a mis dans sa poche. J'étais petit, hein, il m'avait choqué. Moi je ne connaissais pas Tabarrok quand j'étais petit. Hein. Personne ne connaît ça. Tabarrok, Shirk, etc. Mais ça m'a étonné son fils. Tout de suite il l'a pris. Ça c'est quelqu'un à l'Institut du monde arabe qui a fait ça juste parce qu'il a trouvé du sable comme ça. Vous savez, ils ont fait une espèce de dune artificielle et tout ça. D'accord ? Imaginez-vous, qu'est-ce qu'ils vont faire les Awam quand ils... En plus, ils l'ont fait où ? À Mecca. Salam alaykoum. Ils l'ont fait où ? Ils l'ont fait à Mecca. Donc regardez, ça, quand on avait vu cette chose-là, on a dit ça, on sait d'où ça vient. Sauf, etc. On a dit ça vient de chez eux. Allah musta'an. Et ils l'ont quand même mis, ils l'ont quand même installé, et ils ont mis tout ce qui va avec, les bureaux, etc., etc. Malgré le inkar des ulama, malgré le fait que les ulama, ils ont réprimandé ce truc-là. C'est pour vous dire que même eux, Msakin, hein, ils ont même plus les, ils ont même plus le pouvoir, hein, qu'ils avaient, les ulama. D'ailleurs, ils essayent de vraiment de dissoudre le pouvoir des ulama afin de faire quoi? Afin d'instaurer ce qu'ils veulent. Parce qu'avant, oui, ils avaient un pouvoir, les ulama, ils pouvaient faire le inkar, etc., etc. Et ils continuent d'ailleurs. Si vous regardez les redoutes de Cheikh Abdelwahid Al-Abbad, en ce moment, c'est que ça. Ils parlent que sur les journaux, les libéralistes, les libéralistes. Les libéralistes, c'est quoi? C'est les gens qui vont, hein, en Occident, ils reviennent avec des diplômes, et quand ils rentrent, ils prennent des postes clés. Vous avez compris? Ils prennent les postes clés, directeur de telle université, etc., etc. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Ah, et puisqu'il a été influencé, et puisqu'il a été, on va dire, hein, pollué par des afkars, par des idéologies étrangères, forcément, il va essayer de faire quoi? Il va essayer de les infiltrer. Vous avez compris, Inch'Allah? Et ça, c'est une khutta. Ça, c'est une khutta. Ça, c'est une stratégie des koufars. Taïeb, on a bien compris ça, les frères. Donc, le shirk qui peut revenir. Lat wal Uzza, faut vous dire qu'ils vont être adorés fi jazirat al-Arab avant. Juste un petit peu avant là. C'est grave ou c'est pas grave? C'est grave. Et c'est pour vous dire l'importance de quoi? Du tawhid. T'as et continue. Cela dit, les noms d'Allah, l'exalté de son propre, après sa parole, les noms portés sont d'Allah, invoquez-le par ceci. Voilà la illa. En fait, les noms. Parfait, Al-Asma Al-Husna, on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. Parfait, et non pas par autre chose, ou par des noms qu'on invente. Taïb, Wassim. Allah, il n'y a de Dieu que lui, les noms parfaits lui appartiennent. Et lui aussi, les noms parfaits lui appartiennent, tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre, c'est l'un de ses noms. Du fait qu'Allah soit particularisé par l'adoration et la divinisation véritable, et du fait que ce qui se trouve dans les cieux et sur terre célèbre ses noms, il se particularise par les noms parfaits. Le fait de nommer autre chose qu'Allah par les noms parfaits qui font sa particularité est une forme de détournement des noms, des impératifs qu'il renferme. Le fait de nommer autre qu'Allah de la manière spécifique à Allah, puissant et majestueux, est un détournement de ce que cela comprend comme impératif. Il y a en cela ce qui pourrait être de l'associationnisme ou de l'hérésie selon ce que les préceptes religieux sous-entendent. Comment ça peut être de l'association? Comment ça peut être du chef, les frères? Comment? Si on les donne à des autres, d'accord. Mais si moi j'en donne à Allah, si la personne en donne, comment ça peut être du shirk? On en donne aux deux. Il y a deux manières, d'accord avec moi. Soit, tu veux te dire quoi? Que nous, on en donne à un autre, comme ils ont fait là, l'Uzza, ou voilà. D'accord? On les donne à qui? Hein? On les donne à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, à des divinités. Tayyib. Mais. Ça, c'est pas mutlaqan, parce que par exemple, Al-Aziz, tu peux dire Al-Aziz. Al-Karim, tu peux dire Al-Karim. Mais le Alif Lam, il revient à qui? Il revient à cette. C'est propre à lui, quoi, propre à un être humain. Par exemple, Azim, Azim al-Rum, le prophète, alayhi, quand il a envoyé la lettre, il a Azim al-Rum, il lui a pas donné le nom de. Comme si c'était l'Azim comme Allah, subhanahu wa ta'ala. Non, Azim al-Rum, dans le sens, le plus grand, le plus fort, l'homme le plus puissant de Rum. C'est un constat, on va dire. Vous avez compris? Donc, min bab al-ikhbar, à titre informatif, il n'y a pas de ishkel. D'accord? Ou comme dans Al-Qur'an, le chef, c'est-à-dire le. Comment on appelle ça? Le malik, le roi de. Comment dirais-je? Le roi de. Le roi de. Avec Youssouf, il s'appelait comment? Il s'appelait Al-Aziz. D'accord? Donc, il n'y a pas de mal à ce niveau-là quand on sait de qui on parle. D'accord? Mais de faire. Moi je donne un nom à Allah. Pourquoi ça serait du shirk? Pourquoi Pourquoi ça serait une forme d'ilhad? Pourquoi ça serait une forme de shirk surtout? Si moi je donne un nom à Allah subhanahu wa ta'ala, de quelle manière? Autre que ce que lui, c'est de... Un. Il t'a mis un naqs. Non, bah, non. Si vous connaissez la définition du shirk, c'est bon. Avec son aql, il s'est rapproché. Là, tu t'es rapproché. C'est comme si moi je faisais une forme de shirk, surtout de tashri'. Surtout de quoi? De tashri'. C'est comme si je légiférais le fait de quoi? De donner un nom à Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez compris? Hein? Et Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? On ne parle pas de quelqu'un qui s'est trompé. Par exemple, Ibn Hazm, quand il a dit parmi ses noms, c'est Ad-Dahr. Hein? On ne parle pas de quelqu'un qui a fait un ijtihad, etc. Moi, je vous parle de quelqu'un qui vient qui dit moi, je le nomme de ce nom-là et je l'appelle de ce nom-là. Il a fait une forme de tashri'. Et Allah, il dit dans le Coran Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'adhan bihillah. Est-ce qu'ils ont des shuraka, des associés? Est-ce qu'ils ont des associés qui, des shuraka, qui leur ont légiféré des choses dans la religion? Ont-ils des associés qui légifèrent des choses dans la religion? Et ça, c'est une forme de législation. Moi, je viens, je donne un nom à Allah. Et comme il a dit aussi avec le aql, celui qui, par exemple, hein, place son aql au-dessus de tout, et de son aql, il fait son dîn. D'accord? Ou alors de son hawa aussi, les frères. De son hawa, de par rapport à ses passions. Il fait un din de par rapport à quoi? De par rapport à ses passions. Ça aussi, c'est une forme de shirk. Regardez. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Allez les arabes là. Hein? Ouais, ses passions comme une divinité. Ça veut dire, les ulama ils ont dit, toutes ses passions, il en a fait quoi? Une divinité. Vous avez compris, Inch'Allah? Toutes ses passions, tout ce que tahwi anfus, tout ce que son âme désire, hein, et a une passion à faire, lui il en a fait quoi? Il en a fait son Dieu. Vous avez compris, Inch'Allah? Donc c'est khatir, le hawa aussi. Le hawa peut devenir quoi? Hein? Peut devenir un ilah. C'est khatir ou c'est pas khatir? Des fois il y en a même qui appellent au tawhid. Comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, il dit qu'ils appellent au tawhid, mais c'est des mouchriquins. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il appelle à lui-même. À travers le da'wat al-haq, à travers le tawhid. C'est khatir ou c'est pas khatir? C'est dangereux. Donc toujours se réviser soi-même. Toujours faire attention si toi, ce que tu es en train de faire, tu le fais pour ton hawa ou pour qui? Ou pour Allah subhanahu wa ta'ala. Khatir, hein? Allah, salam al-afiyat. Allez, continue, inshallah. Donc c'est bon, ça, vous avez compris? Hada wadih. Al-ilhad, toute forme de déviation sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, prend la règle générale, qu'il soit de 4, parce que là, il en a cité 4. D'accord, Cheikh Al-Uthaymeen, ça. Mais en vérité, tu peux peut-être même en rajouter, d'accord, ou en mettre 2 dans un seul, etc., etc. C'est pas le problème. Toute forme de déviation, dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle un ilhad. Maintenant, on va voir si vous avez compris. Taïb, Al-Jahmiya, c'est des mulhidines? Pose la question. C'est mulhidines? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait. Hein? Hein? C'est du ilhad, ça, là, là. Taïb. Al-Jahmiya, Al-Asha'ira, c'est des mulhidines? C'est des mulhidines aussi. Ils ont fait du ilhad, fi. أسماء الله سبحانه وتعالى صح ولا لا؟ سوف يجي الحاد sur les أسماء dans le sens où ils en ont attribué certains et ils en ont refusé d'autres. وهكذا. Tout ce qui a comme forme de déviation. Après, bien sûr, le ilhad en lui-même, il a des darajat. Il y a le mulhid total et le mulhid qui est quoi? Partiel. Il y a des darajat. On continue, Inch'Allah. Là, on va parler des sifat. Ah, voilà. Bon, maintenant, toute la première partie, c'était quoi? Ah. C'était les asma. Inch'Allah, vous les révisez bien. Et vous essayez de bien comprendre cela. L'asma, alhamdulillah, c'est la partie la plus simple à comprendre. L'asma, c'est la partie la plus simple à comprendre, dans le sens où tu restes sur les textes, t'attends à voir un texte qui affirme ce nom-là, et ensuite tu peux appeler Allah par ce nom-là. Et qu'est-ce que veut dire le nom ? Ça, tu as à regarder son tafsir. Tu regardes qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, Ar-Rab, Ar-Rahman. Alhamdulillah, Ahlul-Lughah, les gens de l'Lughah et les gens du tafsir expliquent souvent ces noms-là, Walillahilham, et ce qu'incombe ce nom-là, et comment tu dois le comprendre, et qu'est-ce qu'il y a comme ahkam, qu'est-ce qu'il y a comme règle à comprendre à travers ce nom-là, etc. Vous avez compris ? Ça, c'est simple, Walillahilham. Du nom, on tire également là, la sifa. Vous avez compris ? Ça, c'est là, ça, on l'a vu. Ar-Rahman, Yirham. D'accord ? Ça, on avait vu ça. Hein ? Mathalan, As-Sami' Yasma'. D'accord ? Mais si, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une sifa, mais il ne donne pas le nom, est-ce que forcément il y a le nom ? Ça, on a dit ? Non. D'accord ? Et ça, on va le voir, Inch'Allah, ta'ala. Tayyib, on va le voir dans notre truc. Donc, la partie des Asma, vous la comprenez bien, vous la révisez, et essayez d'apprendre ces règles-là qu'on demandera à chacun d'entre vous de les citer, celui qui peut, Inch'Allah, dans le prochain dars, Inch'Allah. Tayyib, révisez-les bien.